vu ce regard-là en garde l'éclat pour toujours. Qui a frôlé ces mains-là en garde le don pour toujours. Et elle ouvre un cercle avec ses mains devant moi. Sans limite, qui a serré contre soi ce corps fragile en reste quoi? Qui a uni ce cœur-là pour lui donnerait n'importe quoi? Et elle ouvre un cercle avec ses mains devant moi. Sans limite. Ces lèvres-là en gardent le goût pour toujours. Qui a fait ce rêve-là gardera le charme toujours. Et elle ouvre un cercle avec ses mains devant moi. Un monde sans limite. Qui a connu ce goût-là guérira des plaies de l'amour. Qui a connu le goût-là recevra l'éternel amour. Et elle ouvre un cercle avec ses mains devant nous. Un monde sans limite.